89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le bureau aujourd'hui à Assemblage requis. Jean-Antoine Rioux sera là pour la chronique trucs et astuces du club plein air UQTR. Et Alexandra Carignan nous parlera de spectacles dans son segment Le temps d'une culture. Ça, puis on va se cultiver l'entre-gens dans la chronique Kiki Sexy Time tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. On t'en dirait des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce mardi 26 novembre 2013. Oui, monsieur. Ça va? C'est neigeux. C'est neigeux, oui, c'est froid. Je suis content de jamais avoir sorti mon balai de neige de l'été. Ah, ben oui. J'ai laissé au fond de la valise. On sait jamais. Les serres. On sait jamais. Aujourd'hui, il va servir. Donc, bonjour à vous. Bienvenue à notre émission. Aujourd'hui, on va voir Jean-Antoine Rioux à 8h et ça tombe bien parce que lui, il va nous parler de plein air et, tu sais, en ce moment, c'est pas mal la place où. C'est la température parfaite pour aller faire des affaires de The Wall, mais au froid. Donc ça, ce sera à 8h. Lui qui est de retour après une absence quand même prolongée. Après ça, à 9h, Alexandra Carignan. Il est en ligne culture et qu'il parle d'art et spectacle. Oui. Toujours. Oui. Fidèle. Ouais. Oui. Ouais. Autour de ça, on va faire King Sexy Time les paroles des autres aujourd'hui aussi. Oui! Ce que je voulais faire hier, mais on le fait aujourd'hui. Ben oui, parce que j'ai eu la jasette. Yeah. Oh, c'est pas pour ça, pardon. J'ai pas l'intro. C'est juste pour... Là, je l'ai. Ah, blâme-toi pas pour ça. Blâme-toi pour tout le reste. Ben pas oui, pour ça. Je vais me flageller. On aime ça, c'est kinky. Oui, c'est kinky. Je peux t'aider si tu veux. Ah, ben vas-y. À te flageller. Comme le nom de famille Flageol. C'est Flageol. Bizarre, ça. Ouais. C'est comme Chiasson, j'ai jamais compris. T'sais. Pourquoi? C'est un peu bizarre. Ouais. Mais bon, on vous en veut pas. On vous invite quand même à nous écouter. Ben oui, puis à rester des nôtres. Mais on peut rire de votre nom de famille quand même. Ben oui, parce que de toute façon. Ah, même dans une annonce, on a ri de mon nom. Oui, un char puis de la Bonneau. Charbonneau. Oui. Char. Bonneau. Comme le papier de toilette. Ah ouais. Il y a des petits morceaux de papier dans les fesses, là, le petit ourson. Là. Oui, c'est toi qui joues l'ourson. C'est moi qui ai fait ça, oui. Mais on va commencer l'émission en musique, comme toujours, avec Mimi Van Der Glo cette fois-ci. Ah oui, bon choix. Ils ont une chanson sur le palmarès francophone depuis la semaine passée qui s'appelle « Plus je crie ». Donc on l'écoute « La la la la la la la la la la la la la ». La, la. On va faire ça, là. Moi, ouais, j'aime Charbonneau. Parfois, j'écoute la nuit qui rentre. J'entends le dégoût dans vos silences. Le corps est rincé par le temps qui passe. La fatigue gravée sur ma peau. La vie adulte est une terre. Qui me donne froid dans le dos. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. Toujours et à jamais. Jusqu'à ne plus sentir ta peau. Du bout des doigts jusqu'au tréfonds de mes os. La vie adulte est une thermopompe qui me donne froid dans le dos. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. Toujours. Transparent, je crie. De Mimi Van Der Glo. Ah, c'est bon, je les aime, Mimi Van Der Glo. Oui, moi aussi. Moi aussi, je criais ce matin. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? La toilette a débordé. Ah! En haut, au deuxième étage. Toilette, parce qu'on a chacun notre toilette, ma copine et moi. J'ai okay. La toilette d'en bas, la toilette d'en haut. Moi, j'ai un urinoir. Bravo, j'aimerais savoir ça. Pour vrai, les petits gâteaux, là. qui mettent dans le milieu des urinoirs. Oui. Oui, j'avais compris. Oui, c'est OK, j'étais pas sûr. Donc, la toilette a débordé, mais c'était juste de l'eau, au moins, mais quand même. C'est ce qui fait que l'émission a commencé tard. ça, donc j'ai sorti le gros bâton, puis j'ai siphonné, un peu comme on fait au lit. Voici Kinky Sexy Time. Ou pas. Donc, nos gros bâtons aujourd'hui, Kinky Sexy Time, c'est la chronique qui s'adresse à un public plus ou moins averti. Oui, parce que c'est assez osé par moment. On va essayer de... Vous aurez été prévenu. Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Comme toujours. Oui. Donc, commençons avec une condition qui s'appelle rectovaginal fistula, qui fait que les femmes vont faire du numéro 2 à travers leur entre-gens numéro 1 féminin. Ouais. Ah ouais? Ouais, ça s'appelle rectovaginal fistula. C'est bon, hein? Oui. Ouais, bon appétit. Qu'est-ce que la kleptolagnie? Klepto. Ouais. Comme kleptoman. Mm-hmm. Donc, klepto quoi? Lagnie. Lagnie, je sais pas. Mais donc, beaucoup de lagnie. Oui, beaucoup de lagnie, comme c'est quoi les affaires dans les grottes, là? Stalactites. Oui, des beaucoup de lagnie. C'est ça, d'accord. Des beaucoup de lagnie. C'est quand t'as une grotte à l'intérieur des... Oui, puis il y a des pics. Okay, parfait. Non, c'est l'état d'être, dans le fond, excité sexuellement par le vol. Ah! Je sais pas si c'est toi qui dois faire le vol, sûrement. Ou regarder quelqu'un faire un vol. Peut-être plus ça. Environ une personne mariée sur 10 dit dormir seule la nuit. Ils font chambre à part. Un adulte marié sur 10, ouais. Quand même pas mal. Ouais. Bon. 80% des femmes préfèrent les hommes sans poils sur la poitrine. Combien? 80%. Ah, beaucoup. Ben quand même. Pourtant, ça revient à la mode. C'est ça. Depuis que Austin Power est sorti. Oui, pendant Chestuary, c'est comme le pendant de Movember. Oui. C'est aussi ce point. Tiens, venir chez l'homme, venir, hein, ça vient de la moelle épinière. Okay. Et non pas du cerveau. Donc, t'as pas besoin de cerveau pour venir. Ah, tu pourrais avoir pas de tête. C'est ça. J'ai compris. Hugh Hefner, tu connais le fondateur de Playboy? Oui. Hugh Hefner, qui fait livrer des roses à la tombe de Marilyn Monroe à tous les jours et va se faire enterrer à côté d'elle, mais ils ne se sont jamais rencontrés. Ah. Oh. C'est romantique. Ouais. Ouais. C'est un grand charmeur. Ah, tellement. Un grand tombeur de toutes les dames qui ont couché avec eux pour son argent. Selon un sondage des propriétaires de sex shop, quelle est la saveur de sous-vêtements mangeables la plus populaire? Et la moins populaire, t'as les deux à trouver. OK, la moins populaire, popcorn. On parle beurre ailleurs. Oui. Extra beurre. Extra beurre. Ça doit être des classiques de fruits, ouais. Du genre fraises. Un petit fruit rouge, non? Un petit fruit rouge, oui. Un pas petit fruit rouge, c'est cerise. Non, oui, je pensais te dire framboise, j'étais comme déjà sur le nom. Uh-huh. Oui, cerise, bravo. Cerise, c'est la plus populaire? C'est la plus populaire. OK, la moins populaire, les bananes. Non. Ah, c'est bon, ça aussi. Non, c'est au chocolat. Ah oui, okay. Étrangement, je sais pas, les gens veulent pas de sucré avec leur salé. L'entrejambe féminin reste lubrifié grâce à une substance qu'on appelle le squalène. S-Q-A-L-E-N-E. Le nom du fameux Pokémon. Ah oui, squalène. Squalène! Ou squalène things you do. Make me crazy about you. C'est la même substance qu'on retrouve dans le foie d'un requin. Comme nos auditeurs, les requins. Les requins, oui. Ils ont du squalene things you do. Oui. On a une sorte de triangle aussi. Un squalene. Oui, squalene terre. C'est un triangle squalene. Voilà. Il est très, très, très lubrifié. Oui. Jusqu'au début des années 1800, qu'est-ce que ça voulait dire? Twiddle-diddle. Twiddle-diddle? Twiddle-diddle. Ah, je pense que je l'ai déjà su. Ah, je pense que je l'ai déjà... En tout cas, twiddle-diddle. Non, mais non. J'ai un ami qui arrêtait pas de dire ça. Twiddle-diddle. Ouais, je sais plus. C'est un peu dessin animé, les repris, comme catchphrase, patois. C'était un terme slang, donc de rue, pour des testicules. Oui, c'est ça, je pense que c'est ça. Twiddle-diddle. Twiddle-diddle. Jusqu'au début des années 1800. Qu'est-ce que la gymnophorie? C'est ça, la chanson, là. Hein? En français, c'est testicle little. Elle m'est venue un petit peu sur le tard, je m'excuse d'avoir commencé déjà l'autre chronique. Ça fait bien. Ça valait la peine. Oui, merci. Squalène. Qu'est-ce que la gymnophorie? Ça, c'est ceux qui capotent sur les filles molles, élastiques. Gymno. Gymno. Ah oui, ok, double jointure là. Oui. Non, c'est l'impression que quelqu'un te déshabille mentalement. Oh. Pas la même mettons, chose. Mettons comme si je regarde comme ça là. Ou je regarde quelqu'un qui est en train de faire du gym, une fille. Oui. Tu sais, petit pantalon de yoga, là. Yo fille, oui. Twiddle little. Sept pilules de Viagra sont vendues à chaque seconde. Oh. Combien pour faire un gag? Pour tourner une ampoule. Oui. Ampoule. RAC, R-A-C-K, c'est un acronyme pour ce qu'on appelle Risk Aware Consensual Sync. Sync. Oui. Comme le lavabo, là, un sync. Oui, ou comme je vais me synchroniser avec toi. Oui. On va sync. Sync iTunes. Oui. Non. Donc, c'est ça, c'est dans la communauté du sadomasochisme. Risk Aware Consensual Sync. Kink, encore dit deux fois la même affaire, c'est quand tu sais qu'il y a un risque, mais que tu vas faire des trucs kinky quand même, genre fouette et menottes, etc., etc., et tout. Que tu sais qu'il y a un risque, mais c'est consensuel, donc tu. Et consexuel aussi. Oui, c'est consexuel. Donc tu le fais. Ça s'appelle rack. Rack. Un racket. Ouais. Et environ 5 % des hommes de 40 ans, oui, et entre 15 et 25 % des hommes de 65 ans et plus vont avoir une dysfonction érectile. 5 % des hommes de 40 ans, j'imagine que c'est 40 ans et moins, et 65 ans et plus, mais qui manquaient de caractère sur Twitter. Peut-être. Mais quand même, ça dit des hommes de 40 ans, 5 % et entre 15 et 25 % des hommes de 65 ans. Bon, c'est clair quand même, on aime ça. On va faire une deuxième partie de Kinky dans quelques instants. Pour l'instant, on s'en va entendre une pièce de Radical Face, qui est la face, évidemment, qu'on... Holy Branch! Ouais, ben, c'est ça. Branch! C'est le surnom de mon entregent, c'est la branche sec. Holy Branches. Bon. J'ai fait une face radicale. Oui, t'as l'air à ça. Radical t'as l'air face. De radis plus, ouais. Une face radis. Une face radis. Comme Francis rouge. Radis. Je trouve. Oui, Francis Radis, t'es tout rouge. T'as vu ma couette verte? Comme dans un radis. Je vais réagir tout le long de la chanson. You were told never in your mouth. Live life on tiptoes. Only felt peace by yourself. When mistakes don't count. There's a hole in your chest. From the time that you were born. One that don't get filled. Cause you've always known. But everybody's bones are just holy branches cast from trees to combatants in the world. And in time we find some shelter, spill our leaves and then sleep in the earth. In the air we'll belong, cause the earth don't give a damn. Thank you. Holy Branches, Radical Face. Casser ça, ce branche-là, moi. Ouais! Mais c'est bon. Oui, c'est vrai que c'est bon. Toujours en Kinky Sexy Time, la chronique est plus ou moins avertie. Mais en fait, ouais, la chronique, elle l'est pas avertie, c'est plus les gens. Ouais, c'est ça, on vous avertit que c'est plus ou moins averti. Que c'est plus ou moins osé de s'avertir. Ouais. Puis on, avec ça, on mange du fromage averti. Hey, c'est-tu qui est bon avec du fromage, toi? Ah, oh, je sais pas. Excellent lien à la des noix. Ok. Pour vrai, ça marche quand même comme oui. Donc, les gens qui mangent des noix de Brésil, brésiliennes, noix de Brésil, en fait, les gens qui sont allergiques à ça peuvent mourir après avoir eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui en a mangé, ça veut dire ça? Oh! Oui, la Brazil nut vient d'un arbre de l'Amérique du Sud qui s'appelle le Lysitidacée, d'accord? Et bref, on mange ces graines. Et ça, des relations avec quelqu'un qui est allergique à ça, après avoir consommé les noix brésiliennes, l'allergie de la personne va commencer à se faire aller et ils peuvent mourir. Il n'y a pas vraiment plus de détails que ça, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Et c'est exclusivement avec les noix brésiliennes. Comment ils doivent, être... Oui. Fortes. Oui. Ils doivent avoir un haut taux d'allergène. Oui. C'est un haut taux d'allergène. Quand on regarde Météo-Média... J'ai un cerveau, man. Les docteurs avec Jean-Philippe Charbonneau. Non, c'est ça, Météo-Média, il y a tout le temps le bulletin de noix. Oui. L'indice. L'indice noix. L'indice une noix. Au lieu du V, une noix. Ah oui, oui. U, puis le symbole, juste une noix dessus. Okay. Il y a 5 ans environ, alors qu'il était en voyage d'affaires, une femme s'est fait mettre dans un hôtel de New South Wales. Ça, c'est en Australie. Elle a décidé qu'elle allait avoir un petit peu de plaisir avec un de ses amis, comme ça, dans sa chambre d'hôtel. Après avoir fait ce qu'il y avait à faire, ils ont, sans faire exprès, accroché une lampe qui était au plafond. Ça a tombé sur la femme en plein dans sa face. Elle a poursuivi la compagnie pour ses blessures. Elle avait des blessures au nez, à la bouche et de la dépression aussi. Ben oui. Quand même. Et elle disait que la compagnie devait payer parce que techniquement, c'était pendant un voyage d'affaires et sur ses heures de travail. Et même ça a l'air ridicule complètement. La cour était d'accord avec elle parce que c'était pas intentionnel, leur relation, ou l'accident. Excuse-moi, l'accident plus que les relations. Et que cette relation-là n'aurait pas eu lieu si c'était pas du voyage d'affaires qu'ils ont eu ensemble. Ah, oh, wow. Pas sûr, hein? Ah, pas convaincu. Il s'est peut-être texté avant. Il s'est peut-être sexté avant. Sexté. Des selfies. Oui. Manger de l'ail cru, ça peut aider les gens qui ont une dysfonction érectile. OK. On a parlé de ça tantôt un petit peu. Les hommes donc, qui ont un problème de dysfonction érectile ont des problèmes d'artère. Et l'ail contient de l'allicine, ce qui peut aider à améliorer, le passage du sang. Et puis, ça, c'est ce qui est nécessaire pour avoir une érection, évidemment. Donc, la dysfonction érectile, qui est souvent un problème physiologique, qui pourrait être un signe d'une maladie cardiovasculaire. Évidemment, si c'est un problème psychologique, parce qu'il y a les deux, l'ail fera pas grand-chose. L'ail fera pas grand-chose. À part que tu pues de la bouche. Comment? À part de puer un petit peu la bouche. Ouais. Ouais. Ça, c'est jamais plaisant. Non, mais c'est tellement bon, de l'ail. Tellement. Oh. Je suis sûr qu'il y en a qui aiment ça, l'odeur de l'ail pendant les relations. Sûrement. Je connais personne qui aime ça. Sûrement pas les vampires. Le premier cas de la condition qu'on appelle le diphalus. Est-ce que je t'ai déjà parlé de diphalus? Je crois que tu... Peut-être que je te... Ah, diphalus, diphalus... Et une souris. Diphalus. T'as pas que tu... Ah oui, diphalus! Ah, un autre... Donc, je voulais pas me rendre jusque-là, ça aurait été long. Un peu, ouais. Mais j'aurais apprécié quand même le suspense. OK. Ouais. J'ai imaginé le reste. Oui. Le reste de la chanson. Donc, le premier cas connu de diphalus, ça c'est la duplication, le duplicata de l'entrejambe. On a vu ça pour la première fois en 1609. Typiquement, c'est dans le fond un organe, un engin masculin qui est complètement formé. Et dans certains cas, les deux sont complètement formés. Ce désordre-là affecte un homme sur 5,5 millions. Et d'habitude, le deuxième, comme je disais, a seulement une fonctionnalité rudimentaire. Même ça a l'air super cool. Là, la plupart des gens aimeraient mieux ne pas avoir ça. Et en 2006, par exemple, un homme de l'Inde, Uttar Pradesh, a fait enlever son deuxième engin masculin par chirurgie. Chop, chop. Chop, chop. Après se faire couper les cheveux. On va me faire enlever un engin. Ouais. Oh oui. Après ça, un homme qui s'est réveillé d'une chirurgie pour apprendre que son docteur avait enlevé son engin. Oh! Ouais, c'est Herschel Rawls qui est allé pour une chirurgie de la vessie après avoir développé un cancer rare. Mais malheureusement, les docteurs ont enlevé donc quelque chose de plus. Hein? Donc, les docteurs et les chirurgiens de Rawls n'avaient jamais mentionné à l'homme que d'enlever son engin et ses testicules était une possibilité à cause de sa maladie. Donc, Rawls les a poursuivis. Et les docteurs disaient que le cancer de la vessie de Rawls s'était éparpillé, s'était rendu jusqu'à son entrejambe. Mais après avoir regardé les cellules correctement, après les avoir enlevées, un autre docteur a découvert qu'il n'y avait pas de cellules cancéreuses dans l'engin de Rawls. Oh! Donc, wow, hein? Petite surprise, ça. Surprise le matin. qui t'appelle Ken dorénavant. Oui. Le nom scientifique pour Morningwood, c'est Nocturnal Penile Tumescence. Ouais, pas pire. Et c'est en fait un restant de ce qui s'est passé pendant la nuit. On en parlait un petit peu hier, c'était dans c'était un fait, je crois, oui, la semaine oui. passée. Non, c'était hier. C'était pour nous empêcher de tourner sur le dos, dans le lit. Oui, c'est ça, la joke de tank, là, oui. Le trépied. Oui. Le droit. Donc, Nocturnal Penile Tumescence, c'est en fait une partie naturelle du cycle du sommeil chez l'homme. Ça arrive surtout par le cycle Rapid Eye Movement, celui où tu... est-ce que c'est le sommeil intense, profond, le REM, ou c'est celui qui est léger? Je pense que c'est le profond. Je ne sais plus. En tout cas, bref. Ouais, mais merci. Donc, bref, une nuit de sommeil moyenne pour un homme entre 13 et 79 ans, c'est 90 minutes d'érection. Non. Pour les hommes de 13 à 79 ans, environ 20% du sommeil complet. Les femmes ont aussi une lubrification de leur entrejambe féminin pendant qu'elles rêvent. Et donc, c'est ça, c'est aussi un phénomène, mais ça n'a aucun rapport avec l'activité sexuelle que vous avez eue pendant la journée. Et on vient au Nocturnal Penile Tumescence, NPT, qui est en fait, qui peut aider pour déterminer la dysfonction érectile. On dit que quand la dysfonction érectile de l'homme est psychologique, le NPT arrive quand même. Tu comprends, tantôt, on parlait de différence entre physiologique et psychologique. Ouais. Donc, si ton problème est psychologique, le physiologique va quand même avoir lieu, c'est-à-dire que pendant la nuit, tu vas quand même faire ce que tu as à faire. Ouais, ok, je comprends. Bref. Est-ce que tu as trouvé pour... Oui, sauf que c'est vraiment long à lire. Bah, est-ce que c'est assez intéressant pour qu'on lit? Parce qu'il y a plein de mots en bleu, là, puis les deux sont là. Il faudrait vraiment que je lise. Laisse faire. Okay. Merci quand même. Je me reprendrai. Hey, wow. Donc ensuite, on parle d'une compagnie de téléphone. Une compagnie, en fait, qui est propriétaire du quart de tous les numéros 1-800 aux États-Unis. Donc, c'est une compagnie de phone sex. Qui a ce quart des numéros 1-800. Selon l'Associated Press, depuis les 13 dernières années, une petite compagnie de Philadelphie est propriétaire du quart de tous les numéros 1-800 aux États-Unis. C'est Primetel Communications qui a attrapé ça. Aussitôt que chacun devenait disponible, ils les attrapaient, ils les achetaient. Donc en mars 2013, ils administraient plus de 800 numéros de téléphone 1-800, plus que n'importe quelle autre compagnie. Et la plupart de ces 1,7 million de numéros de téléphone redirigent vers une ligne de sexe par téléphone. Wow, hein? La même compagnie, finalement. Fait que c'est plein de fausses lignes qui ramènent à une seule compagnie. D'après moi, ça ressemble à ça. Wow. Ouais. Vous avez le choix. L'embarras. Ouais. Le choix. Et puis finalement, on va y aller avec les hommes japonais. Tu sais, c'est l'homme sensible, le genre d'homme nouvel âge japonais. C'est une armée de jeunes hommes avec les cheveux dans le vent et des jeans serrés. Et on les appelle les herbivores au Japon. Donc, c'est une phrase japonaise. C'est la traduction genre de qu'est-ce que ça veut dire? Bref, c'est des hommes qui sont hétérosexuels, qui sont pas intéressés par le sexe d'aucun des deux bords. Et ils sont attirés par une vie moins compétitive, plus silencieuse, qui focus sur les amis et la famille. Et quoi qu'il y ait des choses plus importantes dans la vie que d'avoir des relations sexuelles, ça s'appelle donc c'est des herbivores japonais. Des herbivores japonais. Ouais. Les grass eating boys, les hommes qui mangent du gazon. Wow. Garçon plus. Voilà pour Kinky Sexy Time. C'était le fun. Ouais, pas pire. Hein? Finir ça sur un homme garçon. Ah, qui broute comme une petite vache. Tantôt, on a Kinky, pas Kinky, Charles-Antoine Rioux. Oui. Qui est Kinky aussi, sûrement par moment. On va lui demander. On va demander ce qu'il fait pour les fêtes aussi. Ah, oui. On va lui poser plein de questions. C'est la chronique Trucs et Astuces du Club Ténère UQTR à Sylvain. Dans la zone 89. C'est fou! Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, donc c'est toujours à Assemblage requis. En ce mardi 26 novembre 2013, il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Mm-hmm. Dans quelques instants, sur la chronique Trucs et Astuces du Club Ténère UQTR avec Charles-Antoine Rioux. Oui. Oui. Alors, on va parler de devoirs. Ben oui. Gotta talk about the day war. Oui. You know, English phone. Ouais, English phone. C'est ça. Mais avant ça, une pièce de Guillaume Marcelon. Mais to the board. To the board. To the board. To the board. To the board. Voici sur l'album Oasis Station Service la pièce Je pars au combat. Sur C'est fou. J'y vais. Qui m'aime me suivre. Genre des coups de gun, je sais pas trop quoi. C'est par. Ouais, ça ressemblait plus à un gazou de pénalité. encore, car vivre ne suffit pas. Il faut des impasses, des diversions. Se mesurer à la mort, car vivre ne suffit pas. Je pars au combat, au combat contre la nausée. La vie est un combat, et j'en ai la coiffe emplumée. Je pars au combat, je pars au combat, je pars au combat. La vie est un combat. Mort dans les avant-bras, il faut la menace, les plumes et le goudron. Toujours agir sans remords, car vivre ne suffit pas. Je pars au combat contre la nausée. La vie est un combat, et j'en ai la coiffe emplumée. Je pars au combat, je pars au combat, je pars au combat. La vie est un combat. Je pars au combat contre la nausée. La vie est un combat, et j'en ai les yeux cernés. Je pars au combat, je pars au combat, je pars au combat. La vie est un combat. Guillaume Marceneau et la pièce « Je pars au combat » à Assemblage Requis, 8h07. Et comme on le fait les mardis aux deux semaines, on accueille Charles-Antoine Rioux. Voici la chronique « Trucs et astuces » du Club plein air Équateur. Donc, Charles-Antoine Rioux, bonjour. Bonjour, messieurs. Ça va? Ça va bien, vous autres? Oui, c'était moyen comme imitation de quelqu'un qui tombe en bas d'un ravin. Non, ça me ressemble un peu, en fait, quand je glisse. Ah oui? Oh, ouais. Oui. Tu portes pas de crampons sur tes bottes? Non. Non, moi, je suis pas du genre crampon, en fait. Non, c'est tu fais confiance à la vie. Oui. Mais j'ai deux gros pics à glace dans les mains. Je ne sors jamais sans mes bâtons. Oh! Donc, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, j'avais fait un jeu de mots pour le nom de la chronique. Puis en marchant, j'ai réalisé qu'on était à la radio, fait qu'on le verrait sûrement pas. Non. Mais c'est des trucs d'hiver. Donc, d'hiver. Wow. Comme dans D apostrophe Y, le V-E-R-T. C'est comme il dit des affaires vertes. Il dit vert. C'est ça le jeu de mots. Hein, il était multifacette. Ouais. Si, mettons, on était plus dans le sud, on pourrait divaguer. Divague. Oui, divague. Bague. Ah! Oui! Donc, c'est d'hiver. D-I-X, d'hiver. On peut aussi penser à la neige dehors, juste d'hiver, c'est plus simple un petit peu. OK. Ah, okay. Trop facile. Moi, c'est le troisième millième degré, je pense. Oui. Donc, c'est un peu ça, en fait. Quelques petits trucs que souvent, on pense pas à faire. Et là, après nos premières sorties en plein air, au début de l'hiver, on réalise, ouf, c'est ça, c'est un petit problème. Donc, je vais cinq petits trucs comme ça. Certains, je pense qu'on en a déjà parlé dans d'autres chroniques, mais c'est bon de le rappeler, surtout pour l'hiver. Puis d'autres, c'est vraiment juste des petites réflexions qu'il faut avoir des fois pour pas se ramasser mal pris. Donc, le premier truc, c'est évidemment le fameux coton. Je pense qu'on en parle à toutes les saisons et à toutes les sauces en plein air du coton. C'est pas un tissu qui est le fun pour nous autres. C'est un tissu qui garde très belle humidité, donc l'été, c'est super confortable, ça ne tient au frais. Mais dès qu'on sue un peu dedans, il reste mouillé, ouais. Il vient très, très froid. Donc, évitez le coton, autant pour les bas, autant pour des choses. C'est un premier petit truc qui est assez intéressant. Cote le coton de ta vie. Ouais. Cote de coton. Cote de coton. Cote de coton. De quoi tu parles? deuxième petit truc, le fameux multicouche. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça un peu, les gars. L'oignon. Le sablier en pleurs d'oignon, exactement. Au lieu d'avoir un gros manteau, quand on va faire quelque chose d'un peu plus sportif, un peu plus physique, c'est bon d'avoir plusieurs petits manteaux, plusieurs petites couches. En moyenne, on doit avoir trois couches différentes. Donc, la base layer, ou la couche de base. La camisole. La camisole. qui est collée au corps. Donc, ça rappelle un peu le Gino en nous qui ressort bien collé. Après ça, il y a le mid layer, ou l'isolant, qui est entre deux. Donc, quelque chose de vraiment bien puffy. Mettons que tu peux avoir une belle grosse couche de rembourrure de divan, c'est parfait. Ça, bien épais pour faire une belle couche d'air pour t'isoler. Et la dernière, c'est la coquille qui coupe le vent. Évidemment, on peut racheter différentes couches au fur et à mesure. Si tu vas avoir deux coquilles, si tu vas avoir plusieurs isolants. Si tu vas avoir deux base layers, donc deux camisoles, tu as le droit aussi. C'est mix and match. On peut vraiment faire la combinaison qu'on veut. Comme exactement. Des combinaisons. La camisole, les combinaisons. Oui, pour le camisole de force. Ah, oui, ouais. Ouais, aussi. Camisole de toute force, pas partout. Oui. Donc voilà, pour ce petit truc-là. Autre petit truc, souvent, à quel on pense pas, c'est l'eau. Tout le monde sait que l'eau, ça gèle quand il fait froid. Mais il y a rien de pire, en fait, que de partir en petite randonnée puis de prendre ta gourde et réaliser qu'elle est gelée. Okay. Puis elle est toujours gelée sur le dessus. Oui, oui c'est vrai. That's not good. That's not good. Wow! Good. Wow! En fait, c'est que le problème, c'est que dans votre gourde, c'est que point de vue, réaction des fluides à la chaleur, l'air va refroidir beaucoup plus vite que l'eau. Donc, ce qui se passe, c'est que dès qu'on a bu une gorgée d'eau dans notre gourde, il y a une petite couche d'air entre le bouchon fermé et puis l'eau, fait que cette chaleur va se refroidir vraiment plus rapidement. Donc, l'eau sur le dessus va geler plus vite. Donc, un petit truc, mettez donc votre gourde à l'envers. Elle va geler du fond, fait que ça va faire un petit fond de glace pour la tenir au frais. Maman, quoi, ça fait frais. Ça tenir au frais. Mais le capuchon ne gèlera pas. Donc, c'est un petit truc comme ça que. Ah, c'est bon, c'est fort. Vraiment vous. Moi, je pensais qu'on y allait, qu'on s'en allait vers les gourdes, tu sais, molles. Ouais. Ouais, c'est comme une gourde molle. Oui, oui, oui. C'est peut-être plus loin qui profite qu'il y ait d'air, justement. Ouais, c'est ça. Sais-tu, je ne l'ai jamais essayé. J'ai toujours eu peur de briser ces gourdes-là, les accrocher. Ouais. J'aime bien la grosse gourde pesante que je peux échapper par inadvertance. Ouais, c'est ça. Trop. Mais moi, je suis pas fan non plus. Je trouve que ça tient jamais nulle part. Ouais. Mais en tout cas, ça s'effondre. Mais c'est vrai, il faudrait l'essayer. Il faudrait l'essayer aussi sur les drogués, les virer à l'envers, comme ça, ils vont geler sur le fond. Alors. Ils vont geler sur le fond. Et pour marcher, ils vont les pieds gelés. C'est ça. Ouais. Mais au moins, ils vont avoir toute leur tête. Vous voulez-vous m'acheter un petit journal? Ouais. Donc, voilà. Puis aussi, ce qui est très important à savoir justement pour l'hiver, c'est prendre soin de votre petit visage. Donc, en ville, souvent, quand on marche vers l'école, quand on va au travail, ce qui nous agace le plus, c'est le vent. C'est toujours les joues, les pommettes qui vont venir geler. Eh bien, si vous passez beaucoup de temps dehors avec beaucoup de vent, c'est un peu qu'on entend qu'il y a des petites engelures. Donc, c'est votre peau a gelé un petit peu trop, puis elle commence à mourir, puis ça va payer, ça va être très, très douloureux quand ça va dégeler. Bien, prenez du Lipsyl classique qu'on a pour nos lèvres. Mettez-en juste un petit peu sur la pommette des joues puis sur le bout du nez. Ça va vraiment faire une petite couche protectrice. Ça va empêcher de geler. Ah. Même qu'ils vendent des Lipsyl spéciales pour ça, mais pour rosser les deux, il n'y a pas tant de différence entre les deux, je vous dirais. Gros pot de vaseline. Un gros pot de vaseline, ça fait belle affaire. En plus, t'es bien graissé pour rentrer dans ton manteau. Oui. Puis, dans ton windsuit. One shot. Puis, aussi, c'est qu'avec la neige reflète beaucoup la lumière du soleil. Puis des fois, on boigne des coups de soleil sur le visage, même en hiver. Ça va faire une autre petite protection. Pour ça, justement. Donc, pour l'hiver, c'est assez intéressant. Génial. Et puis, évidemment, le vieux classique de Noël, les bas de laine. Des bas de laine, c'est chaud quand il fait froid, c'est froid quand il fait chaud, la laine, c'est magique. Donc, allez-y, puis portez-en. Puis enlevez les jouets de dedans avant. Ouais. Oui. Les Lego, ça fait... Ah, merci pour la paire de ciseaux. Un excellent cadeau pour le bas de Noël. Oui. Ah, moi, j'ai une question, puisque à chaque fois que je fais du ski, oui. J'ai les pieds gelés. Ouais. Puis j'ai des bas de laine, mais je mets toujours un bas par-dessus, tu sais, un bas serré. C'est bon, ça, de deux bas dans les bas? Est-ce qu'on peut faire des oignons dans les pieds? Est-ce qu'on peut faire des plats d'oignons? Oui, en fait, tu peux faire du mini-couche où est-ce que tu veux, parce que le but du mini-couche, c'est de rajouter de l'épaisseur pour avoir plus d'air. C'est l'air qui va s'isoler, en gros. Mais le problème avec ça, c'est sûrement que ton bas, il est trop serré. Parce que, veux pas, ce qui va réchauffer tous tes doigts et tes pieds, ça va être la circulation du sang. Mm-hmm. Puis quand t'as une botte où je mets trop d'épaisseur qui fait que ton pied devient serré, le sang se rend moins. C'est peut-être juste ça qui fait que t'as trop au pied. Peut-être parce que je serre trop mes bottes. Ça se peut aussi. Hein. Ah. C'est sûr qu'en ski, c'est toujours l'espèce de juste milieu entre avoir assez serré pour bien sentir tes skis et être bien à l'aise. Puis pas avoir froid. Pas avoir froid. C'est de trouver juste le milieu. Mais peut-être, essaie de pas mettre le deuxième bas juste pour voir si le fait que ce soit moins serré, ça fonctionnerait pas mieux. Ça peut faire une petite différence. Ah! Je vais essayer ça. Sinon, il existe des hot pods. Oui! Ouais. Des hot pockets sur les pieds, là. Ouais. sais, la veau de fromage et du pepperoni. Les Hot Pockets. Ah, okay. Les, ouais, ah. Non, ah, j'ai envie de pizza pochette. Là. Ah, ouais, c'est bon. Mais j'ai vu, en tout cas, on jase, j'ai vu des bottes de ski qui viennent auto-chauffantes. Ouais. Avec des si tu plugs des batteries. Là. T'as une grosse batterie qui pend sur le mollet. Oui. Là, c'est pas intéressant. Ah, oui. C'est gros comme un Game Boy. Un Game Boy. Puis ça chauffe. Là. Une chose, faut pas que tu branches dans le mur, c'est encore pire. Non, c'est pas pire. T'as juste une certaine distance. C'est ça. T'as les affaires pour tenir les enfants, mais c'est une génératrice. J'aime ça prendre l'air. Mais si t'as un hot-pot, ça marche vraiment très bien. Tu sais pas c'est quoi? C'est juste une petite pochette autocollante que tu shakes, elle vient chaude. Ouais. Tu colles en fond de ta botte, ça chauffe tes pieds. Sinon, il existe aussi des bas chauffants avec la petite. Ben là, c'est plus comme un briquet, c'est moins qu'un Game Boy, mais quand t'as encore une grosse pièce à batterie sur le mollet. C'est vraiment un bas qui chauffe. Et puis, sinon, Zippo, la compagnie Zippo de Briquet, ont inventé un chauffant et un chauffe-pied. Ça a la même forme, ça fonctionne au gaz, un peu malheureusement. Ben oui, bizarre. Mais on l'allume, pis c'est vraiment une flamme qui est très basse, pis on fait juste la foutre dans le fond de notre botte et ça marche quand même très très bien. Mais c'est pas si cher que ça, pis c'est réutilisable. Bon, c'est réutilisable avec des combustibles fossiles, mais bon. Ouais. Oh, maintenant, on va l'avoir. On va trouver quelque chose. Ah, mais ouais, peut-être qu'un jour, il va y avoir quelque chose qui prend la vibration du ski. Oui. Ça va faire genre de l'énergie. Transmission d'énergie. Oui, c'est ça, exactement. Faut que tu prennes des basses pour pouvoir faire c'est ça, exactement. Tu colles tes pieds en remontant de pente, là. Oui. Puis là, ton ski détache. Ah, compliqué. Ah, maudit, le plein air. On va rester chez nous à place. Oui, c'est ça. Donc, on vient. Moi, je vais à oui. Est-ce que t'as bien avec des trucs? T'en avais d'autres? Non, c'est fini. C'était les cinq petits trucs. Je voulais savoir si t'avais des activités qui s'en venaient pour le club plein air. J'aurais aimé ça vous dire oui, malheureusement, non. En fait, on a eu notre dernière activité de la saison hier soir. On devait faire de la grimpe intérieure au gym d'escalade à l'énergie. C'est super intéressant. On a eu des belles expériences. Beaucoup de belles initiations à l'escalade. Et puis, malheureusement, c'était. En fait. Je dis c'était, on se rend, c'est sûr qu'il y a toujours une possibilité de dernière activité de fin de session, mais il y a des grandes chances que ce soit la dernière activité de la session, mais aussi du club de plein air. Oh non, en fait, ouais. On n'a malheureusement pas de relève pour, enfin, ce petit message lancé à nos auditeurs en ce moment, ouais. On n'a pas de relève pour l'hiver, malgré tous nos efforts d'avoir trouvé des gens. Et puis, ben, on a de l'argent à dépenser, il faut qu'on le dépense, donc s'il y a des gens intéressés, je m'apprends la relève ou juste organiser une activité ou deux, on a le financement pour le faire, donc venez nous voir, n'hésitez pas. Ah, ben, Caroline, le message est fait et allez voir sur Facebook. Exactement, Facebook. Facebook.com/QTAIR. Et puis aussi, vous pouvez nous écrire par courriel au c'est hotmail.fr, c'est UQTAIR, à commercial hotmail.fr. Vous pouvez nous écrire ou nous avoir une candidature. On ne demande même pas de lettre de présentation. Non. On est si désespérés, on prend n'importe qui. Non, pour vrai, on souhaite vraiment que ça puisse continuer. Donc, sinon, Charles-Antoine Rio, on se retrouve le 10 décembre. Effectivement, pour notre dernière chronique ensemble, parce que moi, je pars en septembre, en janvier aussi. Ah. Ça va être. Je vais essayer de faire une petite chronique spéciale. On va faire la fin. C'est la fin. Je peux l'oublier aussi. Bon. C'est la fin, mais peut-être un retour potentiel. Potentiel, peut-être, en septembre d'après. On va t'attendre. Oui. Merci, Charles-Antoine. Merci à vous. Bonne semaine. On va mettre notre campement ici, là. Oui. Puis on va t'attendre. C'est ça. Un point de ralliement. On va se frotter les hot paws. Oui, tous les mouvements de va-et-vient de la maison. On va faire comme dans le film, là. On va laisser notre lanterne allumée tous les soirs. Au cas où ils reviennent. Vous allez sentir bon après 8 mois, les gars, ça va être mal. J'ai hâte. Ils vont fermer le pavillon. Tout à l'heure, on va faire la chronique Les paroles des autres. Mais avançons, on va entendre Imaginary Cities et leur pièce Bells of Cologne tout de suite au 89.1 FM. C'est fou. Ding dong, ding dong. Living in a cruel world, trudging with my feet in the sand. Imaginary Cities, la pièce Bells of Cologne. Oh, Cologne. Beau et belle de Cologne. Ouais. Ouais. Elle est bonne, hein? Elle est bonne. Ouais, Cologne, oui, bien, oui. Ouais. Maintenant, tiens, on fait ça une fois de temps en temps. Ça fait, je crois, 2 semaines qu'on la saute. Donc, reprenons-nous cette semaine. Voici les paroles des autres. Oui! Ça va être le nom le prochain. Ça va être là. Yes. Ouf! Un autre? Et aujourd'hui, on écoute la chanson thème du bloc Écoutons-la donc, la chanson. Mm-hmm. C'était la chanson thème de la chronique Écoutons-la dans la chanson qu'on fait ici à Assemblage Requis. C'était la chanson Les chansons Dan and Marie Melody suivie de Dan and Marie Finale Theme par l'artiste Sondre Lurkey sur l'album Dan in Real Life Original Soundtrack. Oui, c'est la trame sonore du film Dan in Real Life avec Steve Carell qui est sorti en 2007. Et à l'époque où Écoutons-la dans la chanson était une émission à part entière ici à C'est Fou, ben, toutes les autres chansons de la trame sonore servaient de fond. C'était vraiment parfait comme environnement musical, pour vrai. Donc, allez retrouver cette trame sonore de Dan in Real Life. Et c'était le bloc Les Paroles des Autres, où on écoute une chanson thème d'une chronique ou d'une émission dans l'univers de Mathieu Plante. Voilà. On aime ça, on le fait passer souvent. Ouais, à un moment donné, on va faire le tour, hein, mais non, il y en a assez pour qu'on puisse durer longtemps. On va tout trou. Hein? On va tout trou. Je suis pas tout seul. On va tout trou. Pas tout seul. On va trouver d'autres. À bégayer aujourd'hui, je m'excuse. Donc, voilà, Les Paroles des Autres. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller entendre quelques messages. Et puis après ça, on va revenir avec le poste d'écoute. On va écouter le nouvel album d'On a créé un monstre. Ah, c'est bon ça. C'est toi qui l'as suggéré. Je sais. Ouais. Quelle bonne idée, Mathieu. Mais hein, quand même, bravo. CFOU 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mardi 26 novembre 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. C'est beau à radio, on aime ça. Ben oui, ben je sais pas ce qui se passe. Ouais. Ça, j'ai du mal à démarrer. C'est le mucus. Ben oui, putain, j'ai pas le nez bouché, rien. C'est juste ça pogne. C'est comme ta voiture, ta Ford Mucus. Ta Ford? Ah oui! Donc, dans quelques instants, Dre, là, juste à l'instant, en ce moment, tu m'as suggéré qu'on devrait peut-être écouter le nouvel album dont on a créé un monstre. Et quand on écoute un album qu'on n'a pas tellement écouté avant, on appelle ça le poste d'écoute d'Assemblage requis. Le poste d'écoute, c'est la portion de l'émission où on insère un CD dans la fente du lecteur et on s'écoute le nombre de pièces qu'on a envie. Ouais. Un peu dans n'importe quel ordre, comme ça tente, comme tu veux. Oui, OK. C'est libre champ ouvert. C'est libre choix, OK. Libre après, choix, libre exact. Choix. Contrairement à Elle était deux fois que tu suggérais où on devrait jouer deux chansons là, c'est et ça. Des classiques. C'est comme on peut pas faire ça avec ça. Non. Donc, c'est ça, c'est moi qui va. Ouais, c'est quoi l'album de On a créé un monstre? Oui, donc nouvel album qui est sorti aujourd'hui même. OK. Le lancement a lieu ce soir. Je viens d'aller le voir, c'est à Montréal. Il y a une page Facebook pour l'événement. Écoute, moi je suis allé les voir comme un peu en primeur. Ils étaient à Shawinigan, juste pour mettre un petit contexte. Ils étaient à Shawinigan, au collège okay. Shawinigan, pour... Ils font des spectacles au collège, un peu comme ils font au cégep ici, j'imagine? Oui, un peu comme ça. Ben oui, c'est ça, ils ont une très belle salle, là, okay. Contrairement à ce qu'on a ici, on n'a pas de salle. À l'UQTR, mettons, non, à l'université. On a un gymnase, par contre, oui. Qui est supposé être une salle. Mais on n'a pas de vraie salle d'auditorium ou quoi que ce soit. Et puis, j'imagine un peu pour roder leur show, justement, avant le lancement, là, ils se sont permis un petit spectacle... à Shawinigan là, pour tester leur matériel ouais. Et puis roder. Ben, c'est ça le spectacle. Et puis, écoute, excellent album. On a quand même bien aimé l'autre d'avant. L'iceberg. L'iceberg, ouais, c'est exactement ça que je cherchais. Puis, lui, il s'appelle La Dérive. OK. Un peu, il reste dans la thématique aquatique. Oui, si quand même, Asberg, La Dérive, ouais. Exactement. Le prochain sera peut-être le capitaine. Son <Gilligan. épouse>. Et puis là, je te propose, on y va avec... Vraiment quoi? Comme ça te tente. Ben, je suis... écoute, on va au moins en écouter deux. Je te propose la première. OK. Vraiment facile, classique. Ça s'appelle La Fatigue. OK, on écoute ça et puis on en reparle après. Oui, puis on va revenir. Oui, on va revenir. On découvrira d'autres chansons. Ouais, c'est exactement. Parfait. On a créé un monstre avec La Fatigue, nouvel album qui sort, qui est sorti aujourd'hui même. C'est album délicieux. La Dérive. Délicieux. Oui, monsieur. Excellent. Ils commencent, ben, en tout cas, quand je suis allé les voir, ils ont commencé leur show avec ça, puis... Ça commence bien. Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est, en show, c'est toujours bon. Hein. Ah. Mais ils sont vraiment bons en spectacle. Je les ai vus avec toi, en fait. C'était à une soirée où, à l'appart, au centre-ville, oui, je crois. Oui. Feu, appart. Feu, l'appart. L'appart brille en feu. Ouais. Donc, on est toujours dans le poste d'écoute. On écoute quelques pièces d'un nouvel album. Et là, c'est l'album La Dérive, dont on a créé un monstre. Et il nous en reste deux autres chansons à aller entendre. Oui. Et puis, là, comme... ben, tu sais, on connaissait un peu l'album déjà. Un peu. Pour l'avoir déjà écouté. C'est plus toi qui l'as écouté. Oui, quand même. Sur le site devoir.ca. Oui, exactement. Qui a été mis disponible, je pense, c'est au courant de la semaine passée. Donc, on pouvait déjà le pré-écouter. Là, évidemment, c'est fini. Procurez-vous-les. Ben oui. Hey, à un moment donné. Oui, c'est ça. Et puis, je te propose une chanson. C'est la 2. En fait, vous allez dire, c'est ça, il passe la 1, la 2, la 3. Non. Il y a vraiment une raison. C'est que, en fait, La Fatigue est très bonne. On a créé un monstre qu'on connaît. Sauf Le Corps est lourd, ce n'est pas le chanteur qui chante. OK. C'est le bassiste. Mm-hmm. Donc c'est ça, je trouve ça intéressant parce qu'il y a une très très bonne voix aussi. Ça change un tout petit peu de style, mais vous allez voir, c'est très très bon. Donc ça s'appelle Le Corps est lourd. Et puis après ça, on est allé au hasard parce qu'on voulait découvrir, en fait, je voulais faire découvrir à Mathieu. Et puis c'est le but d'un poste d'écoute aussi, d'écouter au hasard. Ouais, c'est ça. Un petit peu. Donc on est tombé sur la huitième pièce qui est présentée dans l'album Ta langue sale. Donc on va y aller en ordre. Donc la 2 en premier, Le Corps est lourd. Suivi de La langue sale, On a créé un monstre, sorti d'album aujourd'hui. C'est dans le poste d'écoute d'Assemblage Requis. Le corps est plutôt raide et la gravité affamée. Il n'y a aucun filet en dessous de tes pas. Tu as tout ton poids. Le vide a tout son temps et la lourdeur de ton tourment. Et parfois le corps est lourd, mais l'âme est légère comme une mer. Le poste d'écoute. On a créé un monstre, vous étiez au poste d'écoute, donc on a entendu deux chansons, et puis là, il faut que je rectifie quelque chose. Okay. Puisqu'on a écouté, en fait, on a écouté trois chansons. Ouais. Si vous venez d'arriver, la dernière, c'était Ta langue sale. Ouais. On a écouté Le corps est lourd, et j'ai dit que c'était Antoine, le bassiste, qui chantait, mais c'est faux, c'était dans la première, c'était la fatigue. C'est qu'on a entendu au début du bloc. Oui, je me suis vraiment mêlé. Donc, on a entendu en ordre. Donc, la fatigue qui était chantée par Antoine. Oui. Le corps est lourd, puis là, on est revenu au classique, le band classique. Et puis, Ta langue sale. C'était parfait, c'était vraiment très très bon, à la hauteur de ce qu'on s'attend, on a créé un monstre. Oui, exactement. Ce soir, ceux qui aimeraient aller les voir, ils font leur lancement d'album, c'est au Quai des Brumes. C'est à 17h par exemple. Ouais. Donc ceux qui travaillent, ça va être un petit peu difficile. Sinon, ben dites-vous qu'ils vont commencer sûrement une tournée. Donc... On va avoir la chance sûrement d'aller voir à Trois-Rivières, un de ces quatre. Pour ce bel album, La Dérive. Oui, tout à fait. Maintenant, je voulais aussi te dire, j'ai mis sur la page Facebook d'Assemblage Requis un vidéo qui a été tourné par une compagnie qui s'appelle Stéréo Séquence. Donc, c'est une captation live, justement, de La Fatigue. Vraiment, c'est tourné, là, c'est excellent. Si vous avez apprécié un peu ce que vous avez écouté, allez voir ça, c'est sur facebook.com/ Assemblage Requis. Donc, vraiment très bien filmé, très bien sonorisé. Ça vaut la peine d'écouter ça. Génial! On a créé un monstre à l'album La Dérive dans le poste d'écoute d'Assemblage Requis. Moi, j'ai bien apprécié ça. On va refaire le poste d'écoute une fois de temps en temps. Je vous dis pas à chaque semaine, mais... Non, mais on s'est lancé une couple d'albums qu'on aimerait vous faire découvrir plus en profondeur. Le mois de novembre est très, très bon pour le francophone, je te dirais. Oui! Donc, on va se tenir au courant pendant les prochaines semaines pour le poste d'écoute. Sinon, si on vient d'entendre, on a créé un monstre. Et ça, ben, c'est un band qui était aux soirées cachées. C'est fou. Il y a quelques temps. Quel beau lien, Mathieu. Mais merci beaucoup. Et il y en a une soirée cachée demain, donc mercredi, le 27 novembre à 22h au pavillon Benjamin Sulte. Oui. On sait pas encore qui va être là-dedans. Ça dépend qui, moi je sais. OK, arrête de faire ton fendant, name dropper. Moi je connais Jean Charest. Ouais, c'est ça. Non, ben écoute, on peut se parler rapidement, oui, puisqu'on a créé un monstre. Justement, c'est ça, le lien que tu fais est excellent. Puisque ça a été les premiers, il y a 3 ans, à accepter de rentrer dans le... Dans le Panthéon. Oui, c'est ça, dans le Panthéon. J'en bave partout. Oui. Dans le baveux. Oui. Mais qui sont rentrés, en fait, dans la game, si on veut, des soirées cachées, dans ce concept un peu fou de faire des soirées cachées à l'université. Et puis, demain soir, donc mercredi, le 27, à 22h, on te dit déjà Benjamin Sulte, hein, je me souviens plus. Oui, j'ai dit Benjamin Sulte, c'est le pavillon des arts. Exactement, c'est dans le sous-sol du Benjamin Sulte. C'est la salle de pratique, en fait, des pièces de théâtre. Oh. Donc, des gens qui étudient en art. Donc, la sonorité va être très bonne, là. Ben, je pense que ça va être assez intéressant. Le concept avec l'artiste aussi va être délicieux. OK, indice. Et puis, on sait aussi c'est qui la première partie. OK. Ça va être Olivier Lessard. Je pense qu'on a connu à écouter en spectacle. Oui. Qui va nous performer solo avec sa guitare. Donc, je pense qu'on va avoir un pas pire show. Encore une fois, bière vendue sur place. Oui, pas cher en plus. Vestiaire. Oui. Plein de belles personnes. Oui. On va avoir vraiment du plaisir. c'est à 22h demain. D'ailleurs, si vous nous écoutez en ce moment, demain à 7h-là, exactement, potentiellement, à l'émission avec toi puis moi. Oui, l'Assemblage Requis. C'est ça. Celle qui à Radio-Canada, on appelle assez fou à 8h, genre. Oui, ben j'ai dit 8h hier parce que, en fait, c'est une déformation puisque l'année passée, on faisait Bon, on va le faire à 8h si on a dit Radio-Can 8h, tu sais. Ouais, hein? Ben c'est moi qui l'ai dit, je me suis trompé. Parce que l'année passée, on disait à 8h, mais cette année, on va le dire à 8h30. OK, c'est à cause. On va commencer à l'annoncer qu'on va le faire à 8h. On va dire, hey, restez là tantôt. Oui, c'est ça. Okay. Exactement. On va faire une radio. Comme les concours de nous, c'est ça. Donc c'est ça. Là, je m'en allais où? Je m'en allais par là, je pense. Benjamin Sulte, 22h, demain, mercredi. Et on va l'annoncer le matin à Assemblage Requis. Donc, soyez là. Après ça, ben, c'est y a une entière à vous de profiter de ça. Nous, on fait ça pour vous. Donc, c'est le service qu'on vous rend, tu sais. Ben oui. Donc, vous avez la chance de même pas avoir à vous déplacer si loin que ça. Vous êtes déjà sur le campus. Et voilà. Et donc, comme on disait tantôt, on a créé un monstre. On a déjà eu Fanny Bloom, oui. Olinéa, La Descente du Coude, ouais. Qui n'existe plus malheureusement, non. Mais qui était très bonne. Ils ont eu un parti de départ assez cool, les autres, au Divan Orange, d'ailleurs. Et ben, c'est ça, on a créé un monstre. Olinéa, Rouge Pompier aussi, ça a bien déménagé. Mauve qu'on a eu aussi à la chapelle. Donc vraiment, profitez-en. C'est pour vous, c'est gratuit. Il y a de la bière. Yes. On va avoir du plaisir. Ben tiens, quand dirais-tu d'aller écouter justement, tiens, chercher Mauve, là. Il doit être là-dedans plus. Oui, je pense, oui, peut-être. On est sur l'écoute du Mauve. Ben allons-y donc. Tiens, quelle pièce t'aurais envie d'entendre, toi, de Mauve? La 8. La 8. Je sais pas. Allons-y avec, l'extrait du palmarès, ça va être plus simple pour moi, je pense. Oui. Donc, elle s'appelle Manège, tout de suite dans Assemblage Requis. Sur C'est vous, 89.1 FM. OK. Yeah. J'étais pas prêt, c'est pour ça. Ben, c'est correct. Voilà. J'aurais pu continuer à parler aussi. C'est quoi dire? J'ai jamais fait de photo. C'est ça. Hey, écoutez Radio-Can hier, on était là. T'as mis le lien sur Facebook pour... Pas encore. Pas encore? Tu vas faire ça, là? Ouais, sous peu. Parce que moi, je veux le voir, ce reportage-là, t'es dedans. T'sais. Oui! T'as pas assez de me voir comme ça, face à face, tout le temps, tous les matins? Non, c'est pas assez. Combien de fois est-ce qu'on peut faire ça, tu penses? Au moins une fois par année, il faut que je fasse cette blague-là, t'sais. Oui, c'est vrai, mais là, ça fait au moins 2-3 fois qu'on a fait cette genre aussi. C'est un peu redondant, hein? Oui. Ouais. Ça, puis des silences. Oui. Hey, je t'ai-tu compté? Tu m'énerves! Ah, je sais. Aussi pour moi, ouf. Ah. La pièce Manège sur l'album Le Faux du Soir. Au retour, Alexandra Carignan et sa chronique Le Temps d'une Culture. Mais avant ça, ça va être l'Info Campus. Ah, mieux. Ouais, l'Info Campus. Oh, wow. On est là. Est-ce qu'on fait les excités tout le long? Voici maintenant votre capsule Info Campus. Ouais! C'est fou. 89.1. Ah! Assemblage requis. Comment? Comme la neige a neigé. Ah! Comme la neige a neigé. Ouais. Ah! Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Ah! C'est la continuité des réactions de l'Info Campus. Oui. Donc, toujours assemblage requis, 8h57. Il est Mathieu. Oui, lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. En ce mardi matin du 26 novembre, on sait pas trop où on s'en va, puis on se pile par-dessus, mais on aime ça de même. Ben oui. C'est ça, c'est de la complicité volontaire. Oh, oui. On fait ce qu'on peut. Hey. Donc, tantôt, on va voir Alexandra Carignan. Oui. Qui s'en vient. Ça va être le fun. Parler de culture avec elle, comme toujours, sûrement d'improvisation, lime, l'huître et autres acronymes. Mais avant ça, on s'en va entendre notre extrait préféré du palmarès, toi et moi. Oui. Est-ce que je dirais vraiment que c'est mon préféré? Je suis pas sûr. Ben, c'est dans mon top. Oui. C'est dans le top 40 facilement. Puis j'ai fait une... j'ai fait une radio qui commencerait par un C, qui finirait par... Je vais te corriger. Au Canada, pas mal toutes les radios commencent par un C. OK. Est-ce que tu as remarqué? Oui. C-F-O-U, C-K-O-I-C-I-G-B-I-C. Ouais, ben, je pense que c'est pour ça. C'est pour ça, c'est, c'est la communication canadienne. Canadienne. Non, mais je voulais dire plus A, Martial. A, Martial. Oui, OK, ouais, ça ouais, fonctionne. Ouais, ouais. Puis je pense que je l'ai vraiment surécouté. OK, donc ton anecdote, c'est que t'as, comme dans une radio commerciale, t'as beaucoup écouté la même chanson. C'est ça que ça veut dire? Ben, le même album. OK. Vraiment souvent. Mais je l'adore encore. Je suis capable de l'écouter, mais là, j'ai pris une pause. OK. Parce que souvent, je l'écoutais comme toute la journée au bureau. OK. Puis là, j'ai take a pause. Tu t'es calmé, là? Oui. T'es comme un animal sauvage. C'est bon, si ça, Mathieu. Oui, merci. C'est un lien, tu sais, qu'on appelle. Oui. Ouais, comme un petit chat qui ferait tout le temps la même routine à tous les jours, comme un empire de chat ou de Cat Empire. Ouais, mettons. Oui, c'est ça. Écoutons Wild Animals. Sauf qu'on fera pas pause pendant la chanson comme tu faisais dans ton bureau parce que t'as dit que tu faisais pause. Oui. On va faire play. Oui, c'est ça. Parce que sinon, ce serait un petit peu plat d'écouter juste une note à la fois. Ah, oh, tu l'as fait deux fois de suite, Mathieu. Ouais, c'est beau. C'est le fun. Ça me fait rire. Ah, oh, que c'est bon. Voilà les bons, c'est Cat Empire. C'est fou. Quand on a fait un FM. Moi aussi que c'est bon. Comment se parler ça? If you beat on the rock, you can hear the world ring. You wake up in the morning, you don't feel a thing. Shadows gathering over your head, and it's just like the preacher man said. He said we were born to run through. Why are you living your life behind bars? Why are you living your life in the past? Give yourself a reason to think that you were free. Born, you're free. Born, you're free. Voilà les morts, c'est des calipers, c'est comme ça. Ouais, c'est, alors, c'est comme ça. Là, comme on dit, tu sais. Hein? Alors, je vais être franc. Qui vivra verra. Ouais. Hein? C'est c'était bon. The Cat Empire. J'aime vraiment. J'aime ça revenir avec des apartés comme pas rapport, genre. Oui. des quiproquos et des. Oui, des coquelicots. Des coquelicots, comme la chanson. Là. J'ai. Moi, c'est comme ça que j'ai appelé mon entregent. Lico. Bon, ça s'appelle coquelicot. Bon, on a sorti les papiers depuis l'émission quand même. Oui, écoute, c'est. Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qu'on a sorti depuis l'émission? Rappelons-nous des souvenirs. De futur. À la place de parler tout le temps du futur, parlons du passé. Tu sais. Genre, okay. Comme mettons, attends un peu, est-ce que ça va s'actualiser? Oui, le voilà. On a sorti Côte de coton. Oui, Côte de coton, oui. On a sorti. Oui, puis même, c'est le moment où Chuck Tony, oui. Il a dit de quoi tu parles? Oui. C'est pourtant très drôle, Côte le coton de ta vie, Côte de coton. Oui, Côte de coton. T'avais camisole de Force pas partout. Oui. Camisole de Force, oui, oui. That's not good. That's not good. That's not good. Je l'ai sous le fond. C'était bon. Oui, je l'ai sous le fond. Je l'ai sous le fond, puis pas en avant. C'est les appendices qui chantent la chanson Cours sous le top, puis long en arrière. Ah! La coupe Longueuil. Oh. Mais là, c'est gelé sous le fond. Mm. C'est un remix fait par JP. Wicked, wicked, oui. On attend toujours Alexandra Carignan. Elle s'en vient. On sait que ça sera pas trop long là, pour le temps de culture. D'ici là, ben, Colin, on freestyle ça. Oui. Mais écoute, d'habitude, j'ai des anecdotes de. Ah! Ben tiens, j'ai une anecdote. Okay. C'est vraiment une anecdote pas de punch. J'ai hâte d'entendre ça soudainement. Oui, ben écoute, même il y a vidéo à l'appui pour ceux qui seront mes amis Facebook. Ton lecteur CD, c'est ouvert. J'ai pas sur le bouton, c'est normal. Ah, ok, ok. Ah, tu me stresses. Je fais multitasking. Oui, vraiment, une vraie pieuvre, là, tu m'impressionnes. Puis, je suis allé chez Costco hier. Pour, oui, un magasin d'entrepôt grande surface quelconque, ouais, c'est exactement. Ça, t'es allé là, ouais. Oui, c'est ça. Et puis, ils avaient des jouets pour enfants. Des jouets pour enfants? Des jouets pour enfants, oui. Oui, et puis j'ai joué avec les jouets pour enfants. Oh! J'ai vraiment eu du plaisir. Ah! C'est comme un coffre, un truc de bâtisseur, là, comme... tu sais, pour... futur gars de la construction. Ouais, là. C'est ça. Futur syndiqué. Il y a une fausse lame. Tu sais, puis là, tu peux passer tes planches. Puis tes planches, ils ont du velcro. Ah! Fait que là, j'avais plein de plaisir. Là. J'ai fait plein de sillages. C'est vraiment le fun, ça. Oui, puis ça fait pas de dégâts. Il devrait faire la même chose pour tous les métiers où il y a des coupures, comme mettons, tu es un futur chirurgien, mais il y aurait du velcro aussi. Oui, ou Journal de Montréal, des coupures. Des coupures de poste. Ah, oui, hey, j'ai vu. Il y a un local d'association qui a un chandail. Vous savez, c'est lequel, là, juste par le chandail que ça apporte. Là. C'est marqué un jour, je vais être ton boss. Oui. C'est super fendant. Là. Oui. Bon, en tout cas, bref, on peut passer ce qu'on veut, les autres. Ben, ils ont le droit. Ils ont tout à fait le droit. Mais c'est la même chose. Eux pourraient jouer au jeu des coupures budgétaires. Oui. Des coupures de... oui. Un jour, je serai ton boss et je vais te sacrer dehors et te donner ton 4%. Oui, restructuration, man. Bref, dans quelques instants, là, c'est vrai, Alex Carignan, mais pour l'instant, Voyager okay. De Fur Trade. Ça, c'est fou. 89.1 FM, Radio Campus de Trois-Rivières. Oh, Fairtrade et Voyager, assemblage requis. Jean-Philippe, toi, ta nuit a bien été, je pense. Hein? Ah oui, une bonne nuit. Là. Je me suis réveillé à 2h11, je pense, et 11 et quart. Puis là, j'étais là, je regarde dehors, puis il faisait, tu sais, il a neigé. Oui. Donc, il faisait vraiment lumineux, parce que la rue est vraiment bien illuminée en face de chez nous. J'étais là, le soleil se lève, il doit être genre 6h et quart. Genre, je me lève comme dans 10 minutes. Puis là, je suis pas le goût, là. Puis là, je regarde l'heure, puis il était 2h du matin. Maudit que je suis l'homme le plus heureux au monde. Je pense que j'ai dormi avec le sourire aux lèvres et le... Le bête jacké. Ouais. Moi, de l'autre côté, à l'opposé complètement, je me suis réveillé par ma blonde qui me réveille tous les matins. Et j'avais l'impression qu'il était encore comme 2h du matin. Mais c'était l'heure de ça. L'inverse, ça, c'est pas flotte. Non, ça, c'est pas flotte. Maintenant, on accueille Alexandra Carignan qui, elle, est toujours de bonne humeur. Voici le Tourne Culture. C'est sarcastique. Et le soleil de votre journée, Alexandra Carignan, bonjour! Hey, bonjour! Ça va? Oui, ça va. Oui? Oui, ça va. Pour l'instant, ça va. Les Advil Rubicides font effet. Je suis... Pour de vrai, j'étais dans mon char, puis j'étais... C'est tellement pas le mood dans lequel j'étais un matin. Tu sais, l'annonce, là, de Advil Rubicides, tu sais. Mais là, non, c'est des Tylenol. Tylenol, c'est tout pareil, cette affaire-là. Tu sais, tout le temps comme... Puis là, t'es prends, puis là, tu vas au boulot, je suis comme... Bullshit! Hey, non, ça marche! Okay. Ah, c'est bon. Donc, les sinus sont bien débloqués. T'es là pour nous exposer tous ces microbes culturels. Tous ces microbes culturels, parce qu'ils sont contagieux. Voilà. C'est beau! J'aurais jamais pensé que ça allait mener vers quelque chose, tout ça. Aujourd'hui, j'ai tellement d'informations. Des fois, là, j'ai rien à dire, puis je parle 15 minutes juste d'impro. Tu remplis très bien. Mais cette semaine, j'ai beaucoup de choses à dire. Et là, j'en ai pour ceux. Je voulais pas interrompre, mais Oui, ouais. On a été les deux à faire. Il y en a trois. Okay. En fait, je vais vous parler d'improvisation, bien évidemment, mais aussi de musique, spectacle et d'art, donc d'art visuel. Mm-hmm. Je sais pas par quoi commencer. Écoutez, je vais y aller par l'impro, hein. Je vais y aller aussi simple que ça. Hier, il y avait le match de la Luître. Les Verts affrontaient les Bleus. Mm-hmm. Je pense que tout le monde est un peu en fin de session. C'était un bon match, mais on voyait que les improvisateurs pédalaient un petit peu. Mais ils ont réussi, contre toute attente, là, à mener en prolongation. Donc, pour dire que au moins les deux équipes étaient sur le même mood. Dans le même mood, ouais. C'est ça. Il n'y en avait pas une qui était over-énergique et l'autre à terre. Puis ça fait un match qui est non seulement déséquilibré, mais aussi on se sent plate pour l'équipe qui n'a pas d'énergie. T'sais. Mais là, non, c'est on a eu des très bonnes improvisations des deux côtés. Mais c'est ça, on sentait un peu là, qu'on s'en allait vers une fin de session et surtout vers une grippe là, pour certains. Ah, OK. Il y avait aussi beaucoup de joueurs qui ont eu une fin de semaine éprouvante, dont Justin Garneau, qui était Punch Club samedi soir. Il y avait un gros tournoi d'impro, c'est ça le Punch Club? C'est d'autres choses. OK, parfait. En fait, il y avait vraiment beaucoup de choses en fin de semaine. Justin Garneau faisait partie du Punch Club. Le Punch Club, en fait, c'est de la straight impro. Hein? OK, tout est permis. Là. Pas de règles. Coup de tibia. En fait, théoriquement, on pourrait. Oui. Il n'y a aucune règle et aussi, il y a de l'argent gagné. C'est 300$ qui est en jeu pour une équipe de 3. Et c'est du punch, là. Je veux dire, moi, là-dedans, je me ferais manger tout cru, là. Comme un club sandwich. Oui. Et c'est pas n'importe qui fait le Punch Club. C'est, on a vraiment des joueurs renommés, là. La dernière fois que le Punch Club a joué, c'était Réal Bossé, qui représentait Montréal. Hein? On va-tu dire que Réal Bossé, c'est dans les... de vedettes d'impro. Je vais sortir le mot panthéon. Oui, des vedettes d'impro. Bien plugué. Deux fois la même émission. Et en fait, c'est souvent Québec contre Montréal. C'est souvent ça, là, parce que tu sais, Québec joue avec Québec, Montréal joue avec Montréal. Le Punch Club, c'est essayer de remettre les deux ensemble. Donc, on avait, là, grosso modo, là, l'équipe de Montréal, c'était Richardson Zephyr, qui est un humoriste qui vient de Trois-Rivières, d'ailleurs. Ah. Il a fait la lime dans le temps. Mais il est un très, très bon joueur d'improvisation. Anne-Elisabeth Bossé, qui joue à la LNI, mais aussi Florence Lompré, qui en fait, est une actrice. Là, elle joue dans La Galère, et ainsi de suite. Très bonne équipe. Jocelyn nous en parlait. Il disait, on sait qu'on va se faire péter la gueule, mais c'est pas grave, ça va être intéressant. Contre trois joueurs, là, en fait, de la LUI de Québec, qui est la Ligue d'improvisation universitaire. Mais la LUI a torché Montréal. Oh mon Dieu! Jocelyn était gars, je comprends pas trop, mais on a gagné. Et Jocelyn, mais c'est très épuisant, là, le Punch Club. Là. C'est 2 heures là, Il faut que ton cerveau fournisse, run. Fournisse, oui, oui, exactement. Genre de bootcamp d'impro. Moi, j'ai vu un petit reportage, je pense que c'est Jocelyn qui l'a posté. Oui, c'est un reportage qui a été fait par Le Voir. Oui, exactement, mais c'est vraiment bon. Ça explique vraiment c'est quoi. Il n'y a vraiment aucune règle. Il y a déjà un joueur qui disait qu'il avait amené des pétards à mèche pour déconcentrer l'autre. Ah, ouais. T'as le droit de tout faire. Le mode du Punch Club, c'est la même chose que du hip-hop de rue, là, des battles. Comme dans 8 Mile. Ouais, c'est ça. Et même pour le Punch Club qui se passe dans un cabaret, en fait, un espèce de petit cabaret à Québec, on a les cyphers, en fait, qui sont des passes gratuites données à des spectateurs qui doivent rester debout sur la scène en arrière, comme pour créer un effet de masse. Ouais. Donc vraiment, là, tout est pensé. C'est sûr que tu dis, oui, tu fais, yeah, j'ai mon billet gratuit, mais quand même, tu restes quand même 2 heures debout. Là. Mais tu es quand même sur la scène. Et c'est vraiment du street impro. C'est animé par un chanteur hip-hop de Québec qui, voyons, le CD, là, Les Nègres Blancs d'Amérique. Là. Oui, j'ai juste Corias dans la tête. C'est pas Corias. C'est j'ai juste lui dans la tête. Là. Oh. Il ne veut pas sortir. Ah! Hey, en plus, je l'ai harcelé chez nous. Je suis une grande fan, ça n'a pas rapport. C'est comme un collectif. Là. Il y a les gars d'acronymes qui font partie de tout ça. Les Nègres Blancs d'Amérique. Attends, je tombe sur un livre, ça ne doit pas être ça. Hein. Non, c'est pas un livre. Non, c'est pas ça. Mais... tabarouette, hey, je me sens donc même pas fine. À la claire, je cherche. À la claire vraiment. Ensemble. Et voilà, à la claire ensemble. Donc, c'est un gars de la claire ensemble qui anime ça. Donc, un joueur, un chanteur de hip-hop. Ah, c'est les maigres blancs. Les maigres blancs. J'ai entendu maigres blancs. Ça, c'est un livre. Les nègres blancs d'Amérique. Non, livre. C'est les maigres blancs. C'est ma faute. Alors voilà, c'est vraiment là, un très bon match. Mais Jocelyn, qui était l'arbitre hier, a joué ça. Le joueur Maxime Tanguay et moi-même, on était à Montréal pour le tournoi du Smog organisé par la Ligue. On s'est rendu en finale quand même contre la Ligue. La Ligue, ça c'est... La Ligue de Montréal. C'est la Ligue. La. Okay. Ligue. Non, pas la Ligue. La Ligue. Alors, là c'est mélangeant. La Ligue en un mot. Elle a éligé parce que t'as aussi la Ligue de garage de Repentigny. Mais là, on parle pas de la Ligue de garage. On parle de la Ligue. La Ligue. En un mot, la Ligue. Et en finale, c'était la Ligue contre la Lime. C'est les deux équipes où est-ce que t'as le... que t'as l'expression c'est la ça. Ligue universitaire ou la Ligue d'improvisation mauricienne. Non, mais la Ligue. C'est la Ligue... non, c'est ça, la Ligue. La Ligue. Bon, ouais. En tout cas, bref, il y avait ça en fait de merde. Donc, beaucoup de joueurs étaient très, très... plus d'énergie. Sur le down, c'est ça. Sur le down, mais ça a quand même donné un très bon match. Ça a fait juste des joueurs plus cabots. Des blagues un petit peu plus faciles, peut-être. Mais oui, mais c'était bien drôle quand même. Finalement, en fait, je vous l'ai dit, ça s'est fini en prolongation. Donc, c'est les Bleus, finalement, qui l'ont remporté par une comparée d'équipe. Fusillade. L'arbitre était comme, ah non, pas une prolongation, je suis fatiguée, ça va être une fusillade d'équipe. C'est pas vrai qu'on va passer tous les joueurs. Les Bleus, c'est l'équipe de... De Elodie Mongrain. OK, avec... Avec Maxime Tanguay et Frédéric Bernard et Charles. OK. Chuck. Chuck. On a fait la même chose l'autre fois. C'est exactement la même blague. Chuck. Juste Chuck. Alors, c'est eux qui ont gagné, mais quand même, les Verts ont quand même donné un bon match pour ça. Pour ceux qui aiment encore l'impro, ce soir, c'est la Lime mauricienne qui sera à la Maison de la Culture. Cette fois-ci, on est à la salle Anaïs Allard-Rousseau. Oui. Dans la grande, grande salle. Alors, venez en grand, grand nombre, parce que quand il n'y a personne, ça paraît. Alors, mais ça va être quand même un très bon match, un décorum très différent, mais tout aussi unique. Et en fait, ce soir, ce sont les Blancs qui vont affronter les Oranges. Et là, on se rappelle que les Blancs, là, depuis le début de la saison, ils traînent un petit peu de la patte. Mais ce soir, leur joueur qui n'était jamais là est là. Maf. Donc, Maf. Marc-André Fortin va être là. C'est l'événement de l'année. C'est la vedette là, de la Ligue d'impro. C'est la vedette. Ben, en fait, c'est une des vedettes, oui, parce qu'il est beaucoup connu. Il fait de très bons comptes. C'est un très bon joueur d'improvisation. Il fait son retour à la Lime cette année. Ça faisait plusieurs années là, qu'il n'était pas venu. Là, il revient et il va être là ce soir. Donc, l'équipe des Blancs qui est composée de Camille Tremblay-Lalancette, ancienne de la Lutte, Maxime Tanguay, capitaine. On a Pascal Cholette-Janson qui a fait le tournoi du Smog aussi en fin de semaine, ainsi que de Marc-André Fortin. Alors, là-dedans, on a deux joueurs d'improvisation qui ont fait de l'improvisation pendant toute la fin de semaine. Mm-hmm. et un goon. Alors, ça devrait être un pas pire match. Du côté des Oranges, eh bien, on a le capitaine Justin Garneau qui a gagné son Punch Club. Donc, mais moi, ils ont eu le lundi pour se remettre de leurs émotions. C'est encore drôle parce que Maxime a joué à la limite et Justin a arbitré. Oh! Ouais. Il y a Pascal qui a dormi. Ouais. Bon. Mais Pascal, lui, travaillait. Il part à 7h le matin, le lundi, là, parce qu'il travaille loin. Alors, c'est ça, là. Hein? On sait pas si le manque d'énergie va faire un gros boost ou si ça va juste... Mais moi, d'après moi, ça va... Ouais. Les ravigorer. Ouais, parce que moi aussi, j'ai fait le smog, puis j'ai juste le goût de faire de l'impôt. Alors, ça va bien aller. Dans mon équipe, en fait, il y a Jocelyn Garneau, capitaine. Il y a moi. Rémi Francaire aussi, avec sa belle moustache. Élodie Mongrain n'est pas là. Elle est remplacée par Henri Morissette, l'artiste de Trois-Rivières. Alors, ça va faire un très, très bon match, pardon. Un très, très bon match. C'est ce soir, 20h, à la salle à la Rousseau. 5$, même prix là, que la salle où fait le poisson. 5$ étudiants, 6,50 pour les adultes qui ne sont pas étudiants. Je vous ai dit que je vous parlerais plein de choses. Alors, allons-y pour des arts visuels. Eh bien, jusqu'au 6 décembre, au Centre culturel Pauline Julien, on présente l'artiste Étienne Boisvert avec son exposition « Qui ne risque rien n'a rien ». Si ça vous dit quelque chose, eh bien, il a présenté la même exposition, entre guillemets, là, au Gambrinus l'année dernière, en octobre 2012. Mais quand je dis « entre guillemets », c'est que le Gambrinus, c'est quand même un espace qui est restreint. Et dans le Centre culturel Pauline Julien, c'est beaucoup plus grand. Alors, Étienne Boisvert considère un petit peu ça là, comme la finalité de son expo. Elle a été un peu partout. Elle a été au Rond-Croin, elle a été à Saint-Tite, mais aussi à la Tuque. Et lui, ce qu'il trouve intéressant, c'est qu'à présenter cette exposition-là plusieurs fois, il a pu tâter le pouls. Lui, il y a des photos qu'il aimait, puis d'autres faisaient « Ah, ben moi, j'aime mieux celle-là. » Puis il disait « Ah oui, puis c'est la majorité. » Donc, il les a présentées. C'est vraiment là, le fruit d'un an de présentation qu'on retrouve au Centre culturel Pauline-Julien. Donc, ceux qui ont vu qui ne risquent rien à rien au Gambrinus, ça vaut la peine d'y retourner parce qu'il y a des photographies qui ne faisaient pas partie de l'exposition, qu'il n'a jamais exposé encore, parce que là, il avait le loisir de le faire. Là, je vous en parle, mais c'est quoi qui ne risque rien à rien? C'est en fait des photographies du derby de démolition. Oh, des gros trucks! Oui, des grands trucks. En fait, c'est pas nécessairement des gros trucks, c'est des autos. C'est des autos. C'est comme du gladiateur d'auto. Ah, c'est comme les autos tamponneuses, mais en plus viril. Ouais, c'est ça, en fait. Donc, et c'est beaucoup dans le but de. Oui, c'est comme une course là, de savoir qui est le moins détruit. Ben, en fait, qui détruit tout le monde. Donc, le survivant à la fin, c'est vraiment là, une arène là, d'auto transformée. Là, on a vraiment modifié notre auto pour le derby de démolition. Il y a un gagnant à la fin de tout ça. Mais il faut aussi dire que il y a aussi un prix qui est donné à celui qui a été le plus drôle. Ben, pas le plus drôle, mais celui qui a le plus impressionné les gens dans le spectacle de derby. Donc, oui, c'est une course, mais c'est aussi un spectacle. Donc, c'est ça qui est intéressant. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un sujet très mâle, très rustique, c'est le derby de démolition. C'est très campagnard, mais là, on y va sous un œil beaucoup plus artistique, mais pas trop, en fait. Lui, ce qu'il a pris en photographie, c'est non seulement les voitures, mais aussi les participants. Et ce qui est intéressant au Centre culturel Pauline Julien, c'est qu'il a pris des photos un peu plus artistiques, donc des détails qu'il n'a pas présentés ailleurs et que là, pour compléter l'exposition, il le présente. Donc, c'est vraiment des très belles photos. On y voit vraiment l'émotion parce que pour certaines personnes, là, c'est un truc de famille, le derby démolition. C'est un peu comme le NASCAR. C'est ça, c'est un peu le NASCAR. Alors, ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. C'est gratuit au Centre culturel Pauline Julien. C'est ouvert du jeudi au dimanche de 13h à 17h. Allez-y, l'exposition d'Étienne Boisvert. Yes! Moi, j'ai juste envie de faire des blagues de Derby Moreau, mais c'est trop facile. Ah. Trop facile. C'est vrai qu'il est facile. Ouais. Tu peux la garder. Ouais, je pense ça. Et on termine en fait en vous présentant une découverte pour moi musicale. Et là, ça tombe pile parce qu'il est en spectacle ce soir au Gambrinus pour les Mardis de la Relève. C'est Marc Bérubé. Moi, je ne le connaissais pas et pourtant, il est à son 5e album. Et pour vrai, ça a vraiment été une découverte pour moi. Marc Bérubé, contrairement à ce que son nom le propose, ne vient pas du Québec. Non, apparemment, il n'y a pas d'accent sur les E dans Bérubé. Il faut comme apparemment. Oui, ouais, c'est Bérubé. Bérubé. Bérubé. Marc Bérubé, en fait, qui vient du Canada anglais. Et ce qu'il fait, en fait, c'est difficile de présenter parce que durant les derniers albums qu'il a fait, c'était peut-être plus de la pop-folk mélancolique, parfois un peu plus traditionnelle. Donc, c'est comme un pied dans le trad, mais un pied dans le folk, un pied dans le pop. Un pied dans plein de choses. Mais pour le dernier album, il a quand même beaucoup changé. Il a pris le temps de faire son album. Contrairement aux autres là, qu'il faisait là, comme n'importe quoi. Mais là, il a vraiment pris le temps. Il a séparé sa composition d'album en deux. Donc, la première partie, là, il est juste... C'est 6 tunes. Donc, il retravaillait jusqu'à temps qu'il soit content de ce que ça donne. Finalement, la deuxième partie aussi. Là. C'est un artiste qui... s'inspire vraiment de partout. Donc, il est à Montréal en ce moment, mais il est né au Manitoba. Il a grandi à Swaziland en Afrique, est marié à une Suisse, a été établi à Vancouver. Donc, il y a vraiment là, plein d'influences musicales là, qui se mélangent. L'Afrique, c'est là qu'il a pris aussi sa touffe de cheveux, je pense. L'afro, je pense, ça vient de son séjour en Afrique. Hein. Oui, c'est ça. C'est, il a pris ça directement. Il y a vraiment un afro, là. C'est considérable. Oui. Et en fait, pour cet album-là aussi, normalement, il faisait appel au Patriotic Fuse, qui était son groupe qu'il avait avec lui. Mais là, il a seulement pris Christina Koropeki au violoncelle. Le violoncelle est magnifique dans ses chansons. Et aussi, il a fait appel à Jace Lasek, qui est un producteur d'albums, que lui a produit, entre autres, Wolf Parade et Soons. Donc, de très bons groupes montréalais. C'est vraiment un album que je trouve parfait pour la musique hivernale. Un peu loin. Il y a une belle voix feutrée, très douce. Et surtout, c'est des chansons qui sont accrocheuses. Je vais aller vous en faire... en fait, on va commencer par en écouter une. Je vais vous en présenter deux. Une qui va être, en fait, l'extrait. Mais l'autre que je trouve très entraînante aussi, qui va être Confession to a Street Light de Marc Bérubé. Mais on débute avec Carnival tout de suite. Wrote a small time song for my neighborhood choir, for my kid at home, my band for hire. Found a cancer hook in a bank of songs. I'm on the butter. Found some chicken wire, a plastic bag, a clothesline full of golden rags. Found some graffiti on my china place. Got a happy hammer for the refined taste. And now the school year's clean. The basement's full of all the dandelions. The kiss kapoor, found some entitlement. Some hipster swag. Conversation for my vanity page. And now the typewriter's dead, but not the church bell song. I see our future lit in the lights of Hong Kong. By my Christmas faith, the angels shine on the lips of the few little shadows of the color of the lies on the cheeks of your face. Promises on the base of your teeth. The color of the lies on the cheeks of your face. Will you take what you will receive? a flower in the early morning glow. Confession to a Street Light et juste avant Carnival qui était le single de Russian Dolls de Marc Bérubé. J'adore ça, je trouve ça capotant et c'est vraiment là, cette ambiance-là là, qui transcende tout l'album. C'est parfait pour l'hiver, ça a un rythme, ça a une belle mélodie. Mais tout en étant quand même très nostalgique. Même, je dirais quasiment lugubre par moment. On ouais. dirait les petites passes un petit peu épeurantes. On comparait ça à un peu Patrick Watson dans la voix, je trouvais. Sur certains aspects, oui. Ouais. Ouais. Et aussi l'ambiance de One Palette. One Palette, oui. One Palette. C'est aussi un artiste canadien. Alors, pour de vrai, si vous avez aimé ça, il sera en spectacle ce soir au Gambrinus. Donc, pour les mardis de la relève, là, d'habitude, ça commence vers 21h. Les mardis live, excuse-moi. Oui. Les mardis live. Donc, ça commence vers vert, là, je vous dis. Vers 21h, là. Mais, tu sais, c'est ça. C'est faites comme tout le monde, vers en retard. C'est ça. Ouais. Ça vaut la peine. Sinon, vous pouvez vous procurer son album Russian Doll chez tous les bons disquaires. ça n'existe plus des disquaires, hein, c'est ça. Ben, oui, ça existe encore, là, quand même. Plus beaucoup. Non. Les gens ne prennent plus leurs disques, là, malheureusement, mais bon. Non, c'est ça. Alors, c'était tout pour ma chronique où est-ce qu'on a vu tout ça. Donc, la lime ce soir à 20h à la salle Naïs à la Rousseau ou sinon Marc Bérubé au Gambrinus. C'était toute une palette d'échantillonnage de style, comme Owen de palette. On te retrouve, Alexandra Carignan, la semaine prochaine. C'est les mardis à 9h. Ouais. Et on te lit dans Zone Campus. Eh oui, on fait ça. Il y a un nouveau numéro qui sort aujourd'hui. Donc, oui, d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur Marc Bérubé, j'ai un article complet là-dessus. Quel addon, hein? Quel adon. C'est tout un adon. C'est voulu, je pense. Alexandra Carignan pour le temps d'une culture. Merci. Nous, on va terminer l'émission là-dessus. Déjà, on a passé quand même 2 heures à remplir ça pas mal tête. Mm-hmm. Hein, ben donc, tête. Ben tête. On remercie donc Alexandra Carignan aussi. Charles-Antoine Rioux, oui, Chuck Tony. Demain à l'émission, qu'est-ce qu'on a? Ingrid Arneberg. Oui. Ça connaît de la course au trésor. Stéphanie Paradis va être là pour parler du plus récent numéro du Zone Campus. Lily Brunet-Saint-Pierre pour l'aplomb dans la tête. On va aussi parler des soirées cachées avec elle. Oui. Et l'équipe aussi. L'équipe devrait être là, des soirées cachées. Merveilleux, c'est demain dès 6h30, mais en direct à partir de 7h30. Restez sur nos ondes parce que plus tard dans la journée, on aura à 10h les Mâles Honnêtes, l'émission de débat politique, entre autres. À 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, c'est la rediffusion écourtée de rock classique. À 17h, je vais être de retour avec Stéphanie pour les Palmarès et Foudition Top 10. À 18h, c'est Carina Tardy et Mylène Martin pour l'émission La vie en mauve. Oui. Et puis à 19h, du métal et de l'horreur dans Réanimation. Voilà. Programmation complète. C'est fou.ca. Assemblagerequis.com. Note de l'émission Balado Diffusion. Oui. Facebook.com/. C'est fou FM ou Assemblagerequis. Voilà. Voilà. Mon buzzer est vraiment On est là. Sur Twitter, Flix. Splashface. Toujours les mêmes. MSN Messenger. À demain. Hey, j'avais oublié ça, moi. On n'est pas là-dessus en passant. Sur Skype, peut-être, non? Allô? Peut-être.